But baby, you can fix me. Sean Paul et Zaoé pour la suite, une artiste qu'on adore, Gracie Abrams, et qui sera du côté de Arras cet été pour le Main Square. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et on l'écoute maintenant sur Europe 2. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry. Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in. Sad, sad boy. trust me, I'm your ceiling. That's your price, that's your price. Well, babe, you're thinking she's so Pop Radio. I wanna feel the heat, I wanna own the night. I wanna feel the beat, I wanna dance tonight. I wanna lose myself, I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive. De Pop Radio, vous savez quoi? J'ai vu un classement des artistes nés au 21e siècle les plus influents. Alors dedans, on retrouve pas mal d'artistes à Europe 2, ça c'est cool. Olivia Rodrigo, il y a Billie Eilish aussi, et puis un certain Benson Boone. Il cartonne, hein, Benson Boone, et il arrive très vite sur Europe 2 Pop Radio. Il y aura aussi les Destiny's Child. Europe 2, la radio la plus pop de France, vous offre les plus grands artistes pop en concert. Rejoignez la superstar Beyoncé sur sa tournée mondiale. Première date européenne pour Queen Bee, début juin à Londres. Gagnez vos places, plus le transport, plus l'hôtel pour deux. Dès lundi, Beyoncé en concert. À gagner en écoutant Europe 2 Pop Radio. Inspirez. Expirez. Ressentez l'énergie. Les énergies. Deux possibilités. Un choix. Détendez-vous. Chez Ford, l'électrique est aussi accessible que l'hybride. En ce moment, profitez de nos offres 100% détendues sur le nouveau Ford Puma hybride ou 100% électrique. Eh ben voilà. Ford. Portes ouvertes ce week-end, ouverture selon autorisation. Au quotidien, prenez les transports en commun. Carrefour. Quand vous me dites 5-6 couches par jour, ça en fait des couches à la fin du mois. J'ai compté, c'est quasi 200 couches. Eh bien, je vous réponds qu'il y a 50% de remise immédiate sur le deuxième produit Pampers acheté. Et c'est valable sur tout Pampers. Et c'est jusqu'au 23 mars chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive et sur votre appli Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. C'est ça, c'est le nouveau Citroën C3 Aircross. Il est beau, hein? Et pour hiberner avec vos oursons, on passe facilement de 5 à 7 places. Oui, bah c'est vrai que c'est pratique, hein? Pour les amoureux de grands espaces et de confort, nouveau Citroën C3 Aircross à partir de 19 700 euros. Également disponible en électrique et hybride. Découvrez-le pendant les portes ouvertes ce week-end. Citroën. Tarif conseillé à particulier jusqu'au 31 mars pour l'achat d'un nouveau Citroën Cross U hors option selon réseau participant. Détails sur citroën.fr. Pensez à covoiturer. Julien aime la couleur. Quand ils se sont rencontrés il y a 2 ans, il était dans sa période bleue. Aujourd'hui, il ne porte plus que du vert. Mais peu importe, pour son cher et tendre lave-linge qui fera tout pour qu'il n'y ait jamais une seule tache au tableau. Cette belle histoire pourrait bientôt être la vôtre. Réveillez vos passions du quotidien avec Darty. Jusqu'au 30 mars, le lave-linge Hublot LG 10 kg est à 599,99 € au lieu de 799,99 €, soit 200 € de remise. Darty, c'est parti pour durer. Renseignez-vous en magasin ou sur darty.com. Grand frais. Oui, je devais participer à cette télé-réalité où 15 prétendants, tous très beaux, devaient essayer de me séduire. Mais finalement, je peux pas. J'ai grand frais. Ils ont des filets de truites françaises. Je peux pas attendre. Et bon, au pire, tant pis, hein. Je rappellerai mon ex. Chez Grand Frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à samedi, le filet de truite est à 4,59 € la barquette de 270 grammes. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais, le meilleur marché. Soit 16,99 € le kilo, barquette de poids variable, élevée en France. Soyez prêts à faire tourner les têtes avec nouvelle Opel Mokka. Affirmez votre style avec son nouveau design audacieux. Et démarquez-vous avec ses nouveaux phares adaptatifs Matrix LED. Prêt à attirer tous les regards avec nouvelle Opel Mokka, disponible en hybride ou électrique, dès 199 € par mois. Pour Mokka Hybride Edition LLD 48 mois, premier loyer 4 900 €, offre à particulier jusqu'au 31 mars si acceptation crédit part. Détails sur opel.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. TF1. Something so special. The Voice, présenté par Nikos Aliagas, demain à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+. Mais U, peut-on cagnoter 20% en euros carte U sur les mandarines U? Oh, une belle affaire pour des mandarines de saison. Oui, sur les promos, on fait pas de quartier. Vous l'avez? Ah oui. Bref, pendant la quinzaine des prix ultra bas dans vos magasins U et sur courseu.com du 11 au 15 mars, profitez de 20% reversés sur votre carte U sur le filet de mandarines, soit 2,63 € au lieu de 3,29 €. U, des valeurs fortes et des prix bas. Le filet de 1,5 kg, variété Ori, catégorie 1, calibre 2-3, origine Espagne. Valable pour un retrait jusqu'au 15 mars. Peugeot. Une conduite instinctive, un design félin, des performances électrisantes, c'est ça la griffe de Peugeot. Pendant les jours griffés, profitez d'offres exceptionnelles comme le Peugeot 2008 hybride à partir de 270 € par mois. Et toujours jusqu'à 8 ans de garantie offert. Rendez-vous vite dans votre point de vente ou sur Peugeot.fr. Portes ouvertes du 13 au 17 mars. LLD 49 mois, 40 000 km. Premier loyer 3 700 € pour un 2008 style hybride 9 heures option. Réserve aux particuliers jusqu'au 31 mars si acceptation crédit part. Garantie à l'URCAIR, conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos tomates rondes en grappe ont tout d'une très bonne tomate. Parfaite pour faire une sauce et parfois accompagnée par Miss Je sais tout qui vous glisse. Non, pour les peler, 30 secondes dans l'eau bouillante et puis dans l'eau glacée. Ça c'est... Oui vraiment, nos tomates ont tout d'une très bonne tomate, mais à prix discount. 1,79 € seulement le kilo. Oui, 1,79 €. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. En ce moment chez Aldi, origine Espagne, offre valable jusqu'au samedi 15 mars, info sur aldi.fr. Quand on veut, on peut. Vous conviendrez que ce n'est pas toujours vrai, sinon le pouvoir d'achat s'appellerait le vouloir d'achat. Chez Nissan, pendant les jours Power d'achat, quand on veut rouler en hybride, on peut. Le Nissan Qashqai e-Power, l'hybride réinventé, est à partir de 199 € par mois seulement, sans condition. Mais pour profiter de ce prix exceptionnel, il faut le commander en mars. Alors quand on veut, on peut, mais on doit faire vite. Nissan. Qashqai e-Power 2024 Ascenta avec option 9, LLD premier loyer 5 500 €, puis 36 loyers 299 € si accordiaque. Détail Nissan.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Leclerc, bonjour. Allô, oui, bonjour. Savez-vous que la bière Heineken est née à Amsterdam il y a 150 ans? Ah oui, très intéressant. Et vous, savez-vous que pendant la foire à la bière du 11 au 22 mars chez Leclerc, nous avons une large sélection de bières à prix Leclerc? Comme le deuxième pack de 12 Heineken de 25 centilitres acheté à moins 50%. Le deuxième à moitié prix? Alors là, c'est très, très intéressant. Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.

stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you, I love harder. Thought I wouldn't grow without you, now I'm wiser. Thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. Des Destiny Child à l'instant sur Europe 2 Pop Radio. Obsession avec ses stars et Europe 2. Trois artistes, trois showcases exclusifs. Ouh là là, mais ça c'est une excellente nouvelle. Nouvelle édition qui va bientôt débarquer pour être plus proche de vos artistes préférés. Pop Session, ça se passe dans un cadre hyper intimiste. C'est un moment complètement dingue et exceptionnel que vous allez pouvoir vivre, vous, auditeurs d'Europe 2, grâce à ces stars et Europe 2, avec sur scène pour cette deuxième édition des artistes qu'on aime beaucoup, puisqu'il y aura Joseph Kamel, aussi la chanteuse, et puis Julien Lib, hein, le grand finaliste de la Star Academy. C'était l'édition de l'année dernière avec Pierre Garnier. Il est en train de cartonner en ce moment. Et là, ça va être génial. Ce sera le 24 mars, hein, cette Pop Session. Je vous propose de gagner le pack VIP maintenant, c'est-à-dire le transport pour venir, l'hôtel pour vous et la personne de votre choix, les entrées pour les showcases et puis les accès backstage pour rencontrer vos artistes. Tout ça évidemment pour deux personnes avec qui vous voulez pour gagner ce pack VIP. Et ben c'est maintenant que ça se passe. Vous envoyez votre SMS au 7-12-13 avec Pop dans le message. SMS au 7-12-13 avec Pop dans le message et vous allez pouvoir vivre un moment exceptionnel. Pop Session avec ses stars et Europe 2. Dès maintenant, gagnez vos invitations. Envoyez Pop au 7-12-13. Europe 2, Pop Radio. Allez, restez avec nous pour la suite. Avicii qui va débarquer avec le titre Level. C'est un classique Pop Europe 2. Et là, c'est le dernier Indochine sur Europe 2. mélange exigeant des gouttes d'eau dans l'océan. Pop Radio. Get a good feeling, yeah. Oh. Sur Europe 2. Avec Benjamin Castaldi, Fabien et Marie. De retour lundi, 6h, 10h. Sur Europe 2, Pop Radio. Europe 2. Pop Radio. Bon, comment ça va à 17h sur Europe 2 Pop Radio? Peut-être direction le week-end, là, dans la voiture, ou alors c'est les dernières heures de boulot. Plein de courage à vous. Avec The Weeknd qui arrive justement. Ce sera Cry For Me et juste avant, c'est les infos de Mickaël Livret. Salut Mickaël. Salut Sandra, bonsoir à tous. Le ciel sera mitigé tout le week-end avec des passages pluvieux et même de la neige par endroits. D'ailleurs, trois départements du centre de la France, la Creuse, l'Allier et le Puy-de-Dôme sont placés en vigilance orange à partir de demain, 6h, par Météo France. Nouveau rebondissement dans l'affaire dite du petit Émile. La nuit dernière, les enquêteurs ont fait un déplacement éclair dans le hameau isolé du Haut-Vernet, la même où l'enfant avait disparu à l'été 2023. Ils sont repartis avec une imposante jardinière devant la chapelle. Le parquet d'Aix-en-Provence indique simplement que les investigations se poursuivent. Les professionnels s'inquiètent de la situation. La quétiapine, molécule prescrite contre certains troubles psychiatriques comme la dépression ou la bipolarité, est en pénurie en France. L'Agence nationale de sécurité du médicament avait donné l'alerte dès la fin janvier. Il y a de plus en plus de chances pour que vos baskets ou celles de vos adolescents soient des contrefaçons. Résultat d'une étude de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Ainsi, un tiers des Français de moins de 24 ans achèteraient sciemment des produits de contrefaçon. Du football, le coup d'envoi ce soir de la 26e journée de Ligue 1 avec Nice-Auxerre. En clôture dimanche, le Classico Paris Saint-Germain-OM. Un peu de douceur dans ce monde de brut, Sandra, avec le Printemps des Poètes, la 27e édition qui débute aujourd'hui et ça va durer tout le mois. Oh, toi, le novice ou l'initié, ta plume par ces quelques animations s'en trouvera bien inspiré. Pas mal, hein? Ah, avant j'aime de bien, tout, Alexandra, un peu de prose à lire pour plus d'infos sur le Printemps des Poètes. Rendez-vous sur printempsdespoètes.com. La météo et le temps froid qui persistera tout le week-end avec encore de nombreux nuages et même de la neige. On le disait, trois départements du Massif central en vigilance orange puisque la neige tombera à très basse altitude, quasiment jusqu'en plaine. Les conditions sont hivernales sur nos montagnes avec beaucoup de neige aussi des Pyrénées et sur les Alpes du Sud. Pour les températures maximales du nord au sud, prévoyez de 8 à 13 degrés ce week-end. Eh ben merci beaucoup Mickaël, on se retrouve à 18h. Europe 2, Pop Radio. Bon, Mickaël vient d'annoncer des températures pas folles, voilà, pour ces prochains jours. Et ben nous, vous savez quoi, on va vous réchauffer avec le son d'Europe 2. Voilà, c'est déjà pas mal. Dua Lipa, Pierre Demar qui vont débarquer avec le remix de These Walls et le tout dernier The Weeknd. C'est bien ça, c'est Cry For Me sur Europe 2. Tried with you, saw my life with you, end of time with you, now we're strangers and I hope that you still cry for me, like I cry for you, every night for you, I've been living with this lie, now I can't hide the truth, I can't hide the truth, girl I cry for you, girl I cry for you, yeah, I kiss you clear, I wash my face with whiskey tears. Disappear. Drive with you, it's all my life with you, end of time with you, now we're strangers and I hope that you still cry for me, like I cry for you, every night for you, I've been living with the shroud, now I can't hide the truth, I can't hide the truth, girl I cry for you, girl I cry for you, oh yeah, every time I hit the road, it takes a de la pop est sur Europe 2. Watch this. Hey, it's Teddy Swims on Europe 2. Bonjour, c'est Coldplay sur Europe 2. Salut, c'est Charlotte Cardin sur Europe 2. Vous écoutez Europe 2. Europe 2, pop radio. Try to keep this pain inside, but I will Vous êtes sur Europe 2 Pop Radio, merci à vous d'être avec nous pour la suite, vous bougez pas, il y a David Guetta qui va débarquer avec le titre Memories et je viens de faire un petit tour, tiens, sur le compte Instagram de David Guetta. Il est aux États-Unis et visiblement ce qui lui manque le plus, eh ben, c'est le fromage, le bon fromage français. Aucun fromage français dans son supermarché visiblement et c'est bien dommage. En même temps, avec ces histoires de taxes aux États-Unis, ça va être compliqué. Il va passer à côté de quelque chose, à côté de pas mal de bonheur, hein. Camembert, Neuchâtel, Brie. Oui, je suis en train de parler de fromage sur Europe 2 à 17h11, mais en même temps, voilà, ça fait du bien. Comme la suite du son. Donc, Dua Lipa qui débarque avec Pierre Demar. Voici These Walls sur Europe 2 Pop Radio. Maybe we should switch careers, 'cause baby, you know, no one be top poker faces. And when the night ends up in tears, wake up and we blame it all on being wasted. Oh, much we're not saying, but if these walls could talk, enough, give thought, sit to them on call, did it before, it's not supposed to end. C'est un rendez-vous là-haut, c'est le dernier rendez-vous des amours vaincus. Les ça me charme de nous voir nous déchirer. Mais encore mon amour, je reviens quand même. Dis-moi que tu m'aimes comme ils font au cinéma. Moi j'attends les beaux jours, mais jamais ils ne viennent dans tes bras. But if these walls could talk, enough, give up. Si tu m'aimes encore, Pop Radio.

Salut, c'est Julien Lib. Le temps de rallumer la flamme. Le 24 mars, à Paris, Julien Lib est l'invité de Pop Session avec ses stars et Europe 2. Gagnez vos places maintenant sur Europe 2. Envoyez Pop au 7-12-13. Europe 2, Pop Radio. J'ai juste besoin de tes yeux, de leur éclat dans la nuit. Tu sais, je finirai peut-être pas vieux, mais ensemble on fera du bruit. On criera tous les deux à l'ombre de la pluie. Mais avant faut que je poste ma story ce soir avant minuit. Je laisse filer la folie. Pour toi je sillonne le monde à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes s'il est trop tard ou bien trop tôt. Pour toi je sillonne le monde à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes est-ce que ça me mène en bateau. Tu vois si je chante la chasse, c'est pour que tes yeux baissent les armes. Le temps de rallumer la flamme. Si je chante la chasse, c'est pour que tes yeux sèchent la larme. Quitte à le payer de mon âme. Si je joue le jeu, moi de quoi j'ai l'air, peu sans j'en ai assez. Prendre la lumière des néons fatigués. L'amour des miens, le soleil dans la peau. Et quand tournent les chiens, moi je leur tourne le dos. Oh. Derrière mon sourire, y'a tes mots. C'est pour toi que je tends la main. Quand tu cries, ça me tient chaud. Faut pas que je brûle avant la fin. Pour toi, je sillonne le monde à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes s'il est trop tard ou bien trop tôt. Pour toi je sillonne le monde à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes est-ce que ça me mène en bateau. Tu vois si je joue le chat, c'est pour que tes yeux baissent les armes. Le temps de rallumer la flamme. Si je joue le le son de Julien Lib sur Europe 2. Il sera présent au prochain Pop Session avec ses stars et Europe 2, avec Ofi et Joseph Kamel. Et pour gagner votre pack VIP, entrée, transport, hôtel et rencontre avec les artistes, vous envoyez votre SMS maintenant au 7-12-13 avec Pop dans le message. SMS au 7-12-13, Pop dans le message. Bonne chance tout le monde. Lola Young, Messi, c'est ce qui arrive très vite sur Europe 2 Pop Radio. Il y aura aussi un classique pop Europe 2 de Stromae. Europe 2 Pop Radio. Les amis, c'est Denis Brognard. Je suis au volant de mon crossover Nissan. Écoutez bien le spot qui va suivre. Il y a une offre exceptionnelle qui pourrait bien vous intéresser. Nissan. Quand on veut, on peut. Vous conviendrez que ce n'est pas toujours vrai, sinon le pouvoir d'achat s'appellerait le vouloir d'achat. Chez Nissan, pendant les jours Power d'achat, quand on veut rouler en hybride, on peut. Le Nissan Qashqai e-Power, l'hybride réinventé, est à partir de 199€ par mois seulement, sans condition. Mais pour profiter de ce prix exceptionnel, il faut le commander en mars. Alors quand on veut, on peut, mais on doit faire vite. Nissan. Qashqai e-Power 2024 à Senta avec option 9, LLD premier loyer 5500€, puis 36 loyers 299€ si accordiaque. Détail Nissan.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Oh, pour moi, le champion du monde de Formule 1 cette année, je pense que ce sera... Ah ouais? Non, non, moi je pensais plutôt à... En même temps, avec sa nouvelle écurie, ça pourrait aussi être... Cette année, ça va encore faire du bruit. Suivez le championnat du monde de Formule 1 en intégralité et en exclusivité sur les chaînes Canal+. Et retrouvez le premier Grand Prix Louis Vuitton d'Australie dès dimanche matin à 5h sur Canal+. Programmation à retrouver sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport.

non ? Chez Nissan, pendant les jours Power d'achat, quand on veut rouler en hybride, on peut. Le Nissan Qashqai e-Power, l'hybride réinventé, est à partir de 199€ par mois seulement, sans condition. Mais pour profiter de ce prix exceptionnel, il faut le commander en mars. Alors quand on veut, on peut, mais on doit faire vite. Nissan. Qashqai e-Power 2024 Accenta avec option 9, LLD premier loyer 5500€, puis 36 loyers 299€ si accordé. Détail Nissan.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe 2. When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. Pop Radio. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees? And I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? 'Cause I'm too messy and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect, so I open my big mouth. I want to be me. Is that not allowed? And I'm too clever and then I'm too fucking dumb. You hate it when I cry unless it's that time of the month. And I'm too perfect, so I show you that I'm not a thousand people I could be for you. And you hate the fucking law. You hate the fucking law. You hate the fucking law. You hate it, hate it. It's taking you ages. You still don't get the hint. I'm not asking for pages, but one text or two would be nice. And please, don't pull those phases when I. Stoned at 4 o'clock, and then you come home to me. I'm too. 2. Europe 2. Pop Radio. Tous les hommes et tous les mêmes. Macho, mais tu, le monde de ma vie est infidèle. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine. Que tu le mérites, avez de la chance que vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, non, non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Ce son, je l'adore. C'était Stromae à l'instant avec Tous les Mêmes sur Europe 2 Pop Radio. Pop Session avec ses stars et Europe 2. Trois artistes, trois showcases exclusifs. Oui, des artistes qu'on aime beaucoup sur Europe 2 Pop Radio, puisqu'on va pouvoir retrouver sur scène Julien Lib, Oshi et puis Joseph Kamel dans un cadre ultra intimiste avec ses stars et Europe 2. C'est Pop Session, c'est génialissime. Et qui aura la chance de voir un peu comment ça se passe sur place, c'est Marion qui est avec nous. Salut Marion. Oui, coucou, je suis trop contente d'être avec vous. Coucou Marion, nous aussi on est contente de te recevoir. Tu viens de Marseille, c'est ça? C'est ça, oui, il pleut beaucoup aujourd'hui. Il pleut à Marseille, c'est possible, oui. Ça je pensais pas oui, que c'était et possible. Beaucoup en plus. Bon, ça va pas durer, ça va pas durer. Marseille, tu fais quoi dans la... Marseille, Marion, tu fais quoi dans la vie? Je suis secrétaire médicale. Ok, est-ce que tu vas pouvoir t'absenter le 25 mars pour assister à Pop Session? Ah oui, complètement. Oui, c'est bon, tu as posé ta journée. Oui. Bon bah écoute, ça vaut le coup parce que là, ce que tu gagnes, c'est pas n'importe quoi, c'est le pack VIP. À l'intérieur, tu as les entrées pour assister à Pop Session. Oh. Tu as également le train, voilà, tu vas pouvoir venir de Marseille jusqu'à Paris avec la personne de ton choix, l'hôtel et puis les entrées en backstage. Ça c'est cool parce que tu vas pouvoir de près voir tes artistes préférés, Julien Lib, Joseph Kamel, Oshi, tu vas pouvoir leur dire ce que tu veux en fait. Ça c'est chouette. Oh non, mais c'est incroyable. Merci beaucoup. Je suis trop contente. Et ben moi, je suis trop contente pour toi et puis bah écoute, hein, réfléchis à ce que tu vas pouvoir leur demander, tout ça, ça va être top. Ouais, ben oui, je vais réfléchir. Bon, je te fais un gros bisou Marion et puis gros bisous, merci. Je te souhaite un bon week-end Marion et non Marseille. Bon, allez, restez avec nous pour la suite, c'est Billie Eilish qui va débarquer et puis une nouveauté qui va vous rappeler forcément quelque chose, Licky Lee, I Follow Rivers, c'est revisité par Tiësto et c'est une découverte Europe de Pop Radio et c'est parfait juste avant le week-end, passez un bon vendredi avec nous. Oh, I beg you. Can I follow? la France sur Europe 2. Avec Benjamin Castaldi, Fabien et Marie. De retour lundi, 6h, 10h, sur Europe 2, Pop Radio. Pop Radio. À 18h ce vendredi sur Europe 2 Pop Radio, vous allez être gâtés dans le prochain quart d'heure. Rihanna arrive, Marine aussi avec Ma Faute, et puis Damiano David. On dit merci qui ? Oui, merci à Europe 2. Allez, avant ça, c'est les infos et ça se passe avec Mickaël Livret. Salut Mickaël. Salut Sandra, bonsoir à tous. Ça va encore se rafraîchir ce week-end avec même de la neige à basse altitude dans le centre du pays. D'ailleurs, trois départements du Massif central sont placés en vigilance orange, neige et verglas. À partir de demain matin, il pourrait y avoir jusqu'à 10 cm de neige en plaine. Dans les Yvelines, le collège du Bois d'Aulne, renommé l'établissement où enseignait Samuel Paty, porte désormais son nom. Une cérémonie a été organisée cet après-midi en présence de la sœur du professeur assassiné, mais aussi d'Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale. Alors que les industriels français de l'armement rencontrent aujourd'hui Emmanuel Macron, la défense française a multiplié par 3 en moyenne ses cadences de production. Si Dassault sort 5 avions de chasse Rafale par mois, Safran arrive presque à tripler ses bombes guidées. Pratiquement tous les rois et reines de France y sont inhumés. La basilique de Saint-Denis va enfin retrouver sa tour nord et sa flèche, le monument, grande sœur de Notre-Dame, a été fragilisée après avoir été frappée par la foudre et balayée par plusieurs tempêtes. Un chantier qui devrait durer 5 ans. La course au soleil porte mal son nom cette année. Promise aux sprinteurs, la 6e étape du Paris-Nice leur a totalement échappé aujourd'hui. La faute à des conditions météo encore dantesques. C'est le Danois Pedersen qui a remporté l'étape. L'Américain Jorgensen est toujours maillot jaune. Et à noter que le Français Lenny Martinez, 4e du général ce matin, a perdu 9 minutes. Elena a sorti ce matin son tout premier album. Elle n'a pas perdu de temps, hein, la petite belge. Non, on l'adore. Ah, j'adore. Ah ouais. Elle est tellement gentille en plus. Adorable. Et c'est presque un album éponyme hein, qu'Elena nous a sorti puisqu'il s'intitule « Elle » en référence à son surnom. L'ancienne star académicienne de 23 ans sera d'ailleurs en tournée à partir du 23 avril. Elena qui nous chantera « Mauvais garçon », « Summer body » aussi à Reims, à Lille, à Nancy, à Paris, à Toulouse, à Amiens, à Clermont et dans bien d'autres villes. La météo avec ce temps froid pour la saison qui va s'imposer tout le week-end, des gelées, de la neige à basse altitude. On parlait du Massif central avec 3 départements en vigilance orange à compter de demain pour risque de neige et de verglas. Petit à petit, les éclaircies deviendront de plus en plus belles sur un large tiers nord-ouest et autour de la Méditerranée, surtout dimanche. Côté température, de 0 à 6 degrés le matin tout le week-end, de 8 à 13 degrés l'après-midi. Merci beaucoup Mickaël, on se retrouve à 19h comme d'habitude. À toutes. À toutes. Europe 2. Europe 2. Pop Radio. Et on continue avec Damiano David sur Europe 2 Pop Radio. Bon vendredi. But baby, you can't fix me. Pop Radio. Please don't stop the music. On va pas arrêter la musique, Rihanna. Non, non, c'est bon. Vous êtes sur Europe de Pop Radio, restez avec nous pour la suite. Il y a Teddy Swims qui va débarquer avec sa voix incroyable et le titre Bad Dreams. Et puis celle qui a, ça y est, dévoilé le clip de son titre, Ma Faute. C'est dispo sur europe2.fr. Elle, c'est qui? Ben, c'est Marine, évidemment. Passez une belle après-midi. Ton verre est plein, est-ce encore de ma faute? Si tu le vides, ce le sera sans faute. J'ai trébuché sous le poids de tes mots, mais relevé, tout ne sonne pas si faux. C'est faux. Quand j'ai crié à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit